salle des machines, on parle d'un nouveau régime. Est-ce bien vrai que l'actualité a changé de côté? Dans la grande salle des machines, l'ordinateur est programmé. Action capitaux l'étranger, mais qu'est-ce qu'ils sont soulagés? Oh, dis-moi ce qu'ils sont dans son fil. Écoute la voix de la BBC. Existe-t-il encore sous l'immense? Décide toujours de l'avenir. Dans l'asile psychiatrique, je me réveille anesthésique. Pour cause de dissidence, on m'a mis sous influence. Dans l'asile psychiatrique, on me pique au barbiturique. Comme Reagan, j'ai dégagé l'école. Je crois qu'ils vont un peu fort. Oh, dis-moi ce qui se passe en ville. Écoute la voix de la BBC. Existe-t-il grand comme sous les mousses? Décide toujours de l'avenir. Ça. Oh, dis-moi